pour ceux qui mettent leur foi en moi. » Après avoir prié pour ses disciples, Jésus élargit sa prière à ceux qui, par leurs paroles, mettront leur foi en moi. Lisez Jean 17, les versets 20 à 26. Quel était le plus grand désir de Jésus pour ceux qui croiraient plus tard au message de l'Évangile? Pourquoi est-ce si important que cette prière soit accomplie? De même que le Père et le Fils sont un, Jésus pria pour que les futurs croyants soient également un. À plusieurs reprises dans l'Évangile de Jean, Jésus fait référence à l'unité du Père et du Fils. Ils n'agissent jamais indépendamment l'un de l'autre, mais sont toujours unis dans tout ce qu'ils font. Ils partagent un amour commun pour l'humanité déchue, à tel point que le Père a consenti à donner son Fils pour le monde et que le Fils aussi a consenti à donner sa vie pour le monde. L'unité dont parle Jésus dans sa prière est une unité d'amour et de but, telle qu'elle existe entre Père et Fils. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Manifester cette unité dans l'amour confirmera publiquement à la fois leur relation avec Jésus et avec le Père. La manifestation de leur unité authentique doit témoigner puissamment de la vérité de l'Évangile. Voilà comment le monde saura que Jésus est le Sauveur. En d'autres termes, cette unité pour laquelle Jésus a prié ne peut être invisible. Comment le monde peut-il être convaincu de la véracité de l'Évangile s'il ne voit pas l'amour et l'unité parmi le peuple de Dieu? Dieu se forme un peuple et son désir est qu'il marche en parfaite unité à la lumière de la vérité divine. Dieu veut que tous ses enfants arrivent à l'unité de la foi. Avant d'être crucifié, le Christ pria pour que ses disciples fussent un comme il l'était lui avec le Père, afin que le monde crût que le Père l'avait envoyé. Cette merveilleuse et touchante prière a été prononcée en faveur des chrétiens à travers les âges, car elle dit expressément « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. » Avec quelle ardeur ceux qui professent être les disciples du Christ ne devraient-ils pas chercher à faire écho dans leur vie à cette prière? Que faisons-nous dans nos vies et nos églises pour parvenir à ce genre d'unité présentée ici? Pourquoi une certaine mesure de mort à soi-même est-elle cruciale pour chacun d'entre nous si nous voulons que notre Église soit unie comme elle le devrait?